À l'occasion du temps des fêtes, nos pensées se tournent avec reconnaissance vers ceux et celles qui font notre succès et tout le personnel et la direction de LCR Vêtements Chaussures souhaitent de très joyeuses fêtes à la population ainsi qu'à sa clientèle. Merci de votre support pour l'année qui se termine. LCR Chaussures et Vêtements, au 1463 Boulevard Walbrook, Dolbeau-Mistassini, au numéro de téléphone 418-276-9595 ou variétélcr.ca. Ici Éric Tremblay de Haltech. Le temps des fêtes est une belle occasion de se rassembler avec ceux qu'on aime. Toute l'équipe est heureuse de contribuer à votre confort grâce à ses thermopompes Mitsubishi. Haltech vous souhaite de très belles fêtes et une bonne année. La période des fêtes est arrivée. Nous profitons de cette belle occasion pour laisser la routine de côté, se reposer et partager avec nos proches des moments précieux de joie, d'amour et d'amitié. Toute l'équipe de services financiers Jacqueline Doucet vous souhaite beaucoup de bonheur, de paix et de sérénité pour la nouvelle année ainsi que la réalisation de vos projets les plus chers. Pour rejoindre l'équipe des services financiers Jacqueline Doucet, 418-276-6170. Le candidat du Parti conservateur, Richard Martel, était sur les ondes de CKG avec Michel Tifot et Dominique Bolduc pour expliquer sa décision de se présenter sous la couleur du Parti conservateur aux prochaines élections. Donc, on écoute l'entrevue que Richard Martel a donnée hier à CKG. Richard Martel a annoncé qu'il faisait le saut en politique fédérale avec les conservateurs. La première question qu'on va poser à notre interlocuteur, Richard Martel, d'abord, bonjour. Oui, bonjour, Michel. Richard, est-ce que tu conserves tes fonctions de commissaire de la Ligue nord-américaine? Pour l'instant, je les conserve parce qu'il faut que j'avance. Comment je te dirais? D'abord, je vais placer, je vais déléguer un petit peu plus, puis je vais organiser la structure là avant le début de la campagne, parce que le début de la campagne, c'est impossible pour moi. Alors, tout le monde sait ça. Là. OK. Alors, à partir de là, je suis en poste, je vais déléguer, je vais aussi protéger mes arrières. Organiser pour pas que la Ligue nord-américaine tombe à plat. On va commencer à discuter. Tombe à plat au niveau du commissaire, de l'organisation. Alors, à partir de là, on va faire ça. On va faire la transition tranquillement. À partir de là, lorsque la campagne va ouvrir, c'est fini. Là. Je suis à 150% là-dedans. Est-ce qu'il y a une date qui a été fixée pour la campagne ou ça reste encore à déterminer? Non, il n'y a pas de date qui a été fixée. D'abord, il faut falloir savoir c'est qui les candidats qui vont être là. Là, présentement, je suis seul. Là, les autres vont s'ajouter là, au fur et à mesure. Puis la deuxième chose aussi, ça a été une décision réfléchie. Là. Il reste que quand je m'implique dans quelque chose, habituellement, je termine le terme. Mais là, on a eu de l'imprévu au niveau de cette élection partielle-là, qui ne devait pas être là, qui aurait pensé que le candidat de l'autre côté aurait lâché après 2 ans quand ils sont partis au pouvoir. C'est un petit peu spécial. Alors là, ça a créé une situation où j'ai été approché par les conservateurs. Je n'ai pas été approché en 2 jours. Là. Ça fait longtemps que je discutais avec eux. Alors à partir de là, c'est une décision qui a été regardée de tous les côtés. Puis je sais qu'est-ce que ça implique au niveau de travail aussi, au niveau vie familiale, au niveau ci, au niveau ça. C'est une très, très grosse décision. Mais avec tout ça, c'est une opportunité que moi je considère que je ne pouvais pas laisser aller. Et on verra le futur. Tantôt, tu as dit, Richard, je vais déléguer. Déléguer quoi et déléguer à qui? C'est parce que là, présentement, c'est Gilles Rousseau, Jim Chendick, Denis Leblanc et moi. C'est à peu près c'est le maillon fort là, des dirigeants, c'est nous. Là. Alors, c'est là que possiblement que Denis va avoir un petit peu de travail de temps en temps, un petit peu de travail. Ensuite, Gilles aussi, possiblement, et Jim. Mais il y a une chose qui est sûre. On va avoir des discussions tout à l'heure avec les propriétaires aussi. Là, ouais. Là on laisse écouler la semaine, parce que ça s'est fait vite. Puis je pouvais pas, on pouvait pas divulguer la nouvelle avant le temps. Alors, c'est bien sûr que dans les dirigeants, c'est certain que nous autres, on le savait, Gilles, Denis Leblanc, Jim Chendick. Par contre, on s'était dit qu'il ne faut pas la propager trop vite. Il n'y a rien d'officiel. Ça a été officiel ce matin à 9h. Alors avant ça, on ne pouvait pas tellement faire d'annonce même avec notre gang. Mais l'important, c'est que les dirigeants de la Ligue étaient au courant. Alors à partir de là, on a dit on va laisser tomber un petit peu la poussière parce qu'on savait que ça allait être une semaine assez chargée. Noël s'en vient. Et à partir de là, on va discuter, puis possiblement qu'il va y avoir des appels conférences de tout le monde pour être sur la même page. Alors, c'est pas, je pense qu'il y a toute chose en bon temps, peut toujours s'organiser. Là. Est-ce que Michel Godette est encore dans la ligne nord-américaine? Parce qu'il me semble qu'il était dans ton groupe au départ. Michel Godette, lui, il était pas dans mon groupe officiellement, mais il était prêt à me donner un apport de ses connaissances au niveau de la Ligue. C'est certain que lui, il n'était pas question qu'il soit de retour, ça c'est sûr, parce qu'il a donné beaucoup dans cette Ligue-là. Puis là, présentement, il y a beaucoup de choses. Il y a des commerces et ainsi de suite, des concessionnaires de voitures. Donc, il y en a quand même plusieurs, là. Alors, il y a beaucoup de travail et il est rendu à un âge aussi qu'il était passé à autre chose. C'est quand tu as été approché par les conservateurs? Ça doit faire un mois et demi de ça. Oui, on a discuté quand même depuis une secousse. À partir de là, ben, il y a un travail que j'ai dû faire aussi, une analyse de tout ça. Il fallait aussi que j'aille chercher énormément de contenu. Il fallait que, avant de prendre ma décision, il fallait que je sois convaincu que j'étais capable d'y aller à 150% et que j'avais une passion pour ça. Puis la passion pour la politique, bien sûr que quand j'ai vu le fonctionnement de ces députés-là, leur travail sur la colline parlementaire, là, comme j'ai expliqué, puis qui m'ont permis de participer au caucus des conservateurs à Ottawa, ils m'ont permis d'aller en chambre. Alors, il y a eu tout un jeu avant pour me mettre dans le bain, pour être certain, parce que c'est ce que je leur avais dit. Il dit, c'est pas la première fois que je suis sollicité en politique, par contre. Ça peut m'intéresser, c'est certain, mais il va falloir que je sois sûr que l'équipe est solide, il va falloir que ça fonctionne avec mes convictions, il va falloir que ça fonctionne aussi avec mes valeurs. Puis c'est mon choix de parti, là, on regarde l'autre côté, si on regarde les deux parties, puis vraiment, tout le monde va être capable de le voir que je fais beaucoup avec les conservateurs sur la structure, la façon qu'ils dirigent leur parti, les enjeux aussi. Alors, sur les enjeux, le point de vue des conservateurs, le point de vue de Richard Martel, c'est pas mal un ensemblable. Puis là, tu m'as dit qu'on ne fera pas de politique, mais une question de budget, une question de négociation avec les pays étrangers qui traînent l'autre côté. Il y a des choses qui sont improvisées l'autre côté. Alors, moi, c'est sûr que moi, Richard Martel, j'improvise pas beaucoup de choses. Je suis un gars qui est très planifié. D'ailleurs, ils ont pu le voir aujourd'hui à ma conférence de presse que j'étais très méthodique, très planifié. Je savais mon contenu. Puis, c'est des dossiers aussi qu'on va apprendre en cours de route. Alors, c'est pour ça. Juste ça, j'ai ouvert une parenthèse pour te dire que c'est très réfléchi. C'est pas un coup de vent, puis c'est pas un coup de scie. C'est pour ça. Puis, je ris un petit peu, puis c'est parfait. Puis, je ris parce qu'il y a certaines personnes qui disent « Bah, oh, le gars a tombé, le gars de hockey, ça le switch en politique », mais c'est seulement parce que je suis connu, dans le sens que à d'autres endroits, il y a d'autres gens qui tombent en politique, puis ils n'ont pas de doctorat en sciences politiques en plus. Alors, c'est l'important de ça, c'est d'être capable de servir, d'être capable de bien représenter sa région, sa circonscription. C'est ça qui est le plus important. Puis qu'on sente que ce gars-là va travailler, je te dirais, quasiment à n'importe quelle heure du jour, jour et nuit, pour, comprends-tu, sans, pour que sa gang, là, elle sente au moins que le travail va être fait, peu importe le résultat final qui va être présenté en Chambre des communes, hein, parce que tu sais que dans l'opposition, c'est une chose, puis au pouvoir, c'est une autre chose. Richard, t'as été approché il y a un mois et demi, c'est ce que tu nous as dit tantôt. Puis tu nous as dit aussi que tu as fait une bonne réflexion. Est-ce que ça a été difficile de faire la réflexion politique et d'avoir la tête au hockey? Restez là, après la pause, on va revenir avec la deuxième partie de l'entrevue que Richard Martel a donnée hier à Dominique Bolduc et Michel Thibault sur les ondes de CKJ. Ici Pascal Cloutier, maire. La période des fêtes est le moment propice pour vivre de doux moments avec ceux qu'on aime et aller vers l'autre généreusement. Je vous encourage aussi à faire vos achats localement pour supporter votre collectivité et son économie. Les membres du conseil municipal de Dolbeau-Mistassini se joignent à moi pour vous souhaiter joyeux Noël et une bonne année 2018. Ici Stéphanie Ouellet. En cette période de réjouissance, toute l'équipe de Savard Perron Ouellet Notaire tient à souhaiter à sa fidèle clientèle un joyeux temps des fêtes et une heureuse année. Nous profitons de ce moment pour vous remercier de la confiance que vous nous accordez année après année dans des moments marquants de votre vie. Au cours de la nouvelle année, les notaires Cathy Savard, Jonathan Perron et moi-même, Stéphanie Ouellet, se feront un plaisir de vous accueillir dans leur tout nouveau bureau situé dans les condos de Place du marché Wahlberg. Joyeuses fêtes à tous! Le site touristique de la Chute à l'eau vous accueillera cet hiver. Plusieurs services vous seront offerts. Location de chalets, sentiers de raquettes, accès direct via les sentiers régionaux de motoneige, restauration avec service de bar et entrée gratuite sur le site. Pour plus d'informations, visitez lechutealour.com. Alors, comment ça que mon nom sort tout le temps comme ça? Alors, à un moment donné, en tant que gars de hockey, qui a fait une carrière au hockey tout le temps, puis qui suscite un certain intérêt chez le monde politique. À un moment donné, Richard Martel s'arrête, puis il regarde tout ça pareil. Là. Même la première fois que j'ai été sollicité, je regardais ça. Là. Si je deviens un homme politique, si je m'en vais en politique, ça implique quoi? Alors déjà, il y avait une réflexion qui avait été faite de mon côté sur la politique. Il s'agissait d'attendre un moment où moi, je me sentais prêt. Il y a ça aussi, là. Puis là, le timing des conservateurs est arrivé où, là, je me sentais prêt, puis il y avait la ligne nord-américaine. Alors, ça a été un choix, c'est un choix quand même difficile, parce que ça intervient, ça apparaît en étant que au moment où je suis en poste à la ligne nord-américaine. Alors ça a été une décision plus dure, tu sais, quand t'es en période morte, les réflexions sont trop plus faciles. Celle-là a été tough pour ça, alors... C'est regarder les pour les contre et il dit ah ouais, on rentre là-dedans. Est-ce que ça fait longtemps que la politique chatouille Richard Martel? Oui, ça fait longtemps qu'elle chatouille Richard Martel. Combien d'années? Des Richard années, Martel. Des mois? Depuis que le provincial, M. Serge Simard avait discuté avec moi certaines choses, là, je te dirais, écoute, ça fait à peu près, je te dirais peut-être 7-8 ans, avant que je parte en Europe. Avant que je parte en Europe. C'est vraiment là que le déclic s'est fait pour la politique? Écoute, c'est là que j'ai pensé. D'abord, tu réfléchis dans ce temps-là. C'est là que tu penses. Parce que la politique, là, il reste que j'ai toujours fait du hockey. J'ai fait 150% de hockey jour et nuit, bien longtemps. Mais durant l'été, quand je relaxais, il reste que j'avais extrêmement d'intérêt pour la finance, le budget, les impôts. J'avais aussi de l'intérêt pour... ce qui se passe quotidiennement dans les nouvelles, puis aussi de temps en temps certains enjeux politiques. Tu sais, je veux dire, je te dirais pas que j'étais complètement accro de ça à tous les jours, mais il y a quelque chose de plus important. Tu sais, je veux dire, la politique, c'est une chose, mais il y a quelque chose de plus important que ça, là, c'est de représenter Chicoutimi. Tu sais, je veux dire, il y a plus... T'sais, la politique, là, faut faire attention, là. C'est pas moi. Je m'en vais en politique. Mais là, faut faire bien attention. J'y vais pas juste pour moi, là. J'y vais pour un paquet de gens. OK? Parce que la politique est déjà difficile pour plusieurs personnes. Alors, j'offre de leur donner mon accessibilité puis d'aller débattre des choses. Alors, ça va avec. C'est un lien de confiance aussi. Puis, le temps, d'abord, ça, c'est donné puis c'est pas donné. Moi, être à travers le monde, j'ai pas de problème. Puis là, il y en a plusieurs qui le savent. Alors, faut que t'aimes ça. Si t'aimes pas être avec le monde. Alors, j'ai quand même, c'est au-delà de la politique, il y a des citoyens, des gens d'ici. Puis la région, là, ça fait assez longtemps. Il me semble qu'on, je travaille tout, c'est un petit peu, une affinité avec les gens ici. Je travaille tout pour eux autres. Quand j'étais avec les Seigneurs Chicoutimi comme coach, je travaillais avec le monde parce que je sentais que le monde était fier. Quand j'étais avec les Marquis de Jonquière, je travaillais avec les gens de Jonquière parce que je savais qu'il y en avait pour leur équipe. Alors, je travaille fort parce que je sens un sentiment d'appartenance. Puis la politique fédérale présentement, où ils n'ont aucun député en poste présentement, et à un moment donné, pour quelques-uns, est un petit peu compliqué. Peut-être qu'il est un petit peu plus loin dans l'esprit de chacun. Ça dépend de où. Il y a des juridictions. Juridictions aussi, ça veut dire qu'il y a des choses qui vont fédérales, des choses qui vont provinciales, des choses qui vont municipales. Alors, c'est certain que ça, les gens, ils ne démêlent pas toujours ça. C'est comme l'amphithéâtre, là, Saint-Jean-Vézina. D'abord, il faut qu'il y ait une demande du municipal, si tu veux commencer à t'occuper de dossier. S'il n'y a pas de demande, là, quand même, nous autres, là, c'est parce que j'avais des questions ce matin, Richard, vas-tu si ça, un peu, là. Faut voir ce que le municipal veut de ça. À partir de là, nous autres, on se mêle pas de ce qui se passe au municipal, des provinciales. On attend. Si à partir de là, il y a des soumissions qui sont faites, quoi que ce soit, puis là, ils ont besoin d'aide, là, ça, c'est une autre affaire. Alors, il y a bien des affaires, mais c'est juste pour te dire que C'est la population aussi. Tu sais, honnêtement, je te parle comme faux. Puis c'est présentement ce qui m'allume, c'est de savoir que je me sens utile pour la région. Puis on est dans un contexte de bataille. Alors, c'est comme si mon armée était les gens de Chicoutimi, puis je m'en vais au front pour eux autres. Comme quand je pars avec mes équipes, puis je m'en vais au front, puis je vais jouer à Laval dans l'an passé, puis j'allais jouer là-bas à Tetford, puis j'allais jouer là-bas. J'avais mon équipe en arrière avec eux autres. Là, j'arrivais là-dedans, puis on rentrait là-dedans, j'étais leur représentant. Je vois ça comme ça, là. Cet été, Richard Martel a surpris tout le monde en mettant une croix sur le coaching. Maintenant, si tu es élu député, es-tu prêt, Richard, à mettre une croix définitive sur le monde du hockey? Absolument. Ben, définitive, c'est sûr que, écoute, le temps qu'on met en politique, oublie ça, on n'a pas le temps de mettre de choses ailleurs, là. Ça, je te dis, là, si t'es élu député, puis c'est je mets plus rien. Écoute, c'est le temps. Si je suis élu député, là, d'abord, l'affaire dans tout ça, là, les gens, ils disent... Tu t'en vas en politique, c'est le fun. Mais à peu près 90%, là, ils savent pas comment c'est l'ouvrage. Puis toi aussi, tu dois t'en apercevoir présentement. Puis au fédéral, alors, pour y aller, là, tu peux pas y aller juste pour le titre, pour ton fun, pour te parader. Il faut que tu aies des convictions. Je veux dire, par là, faut que tu y ailles pour quelque chose. Juste pour toi, c'est plus que ça, là, ce que tu représentes là-bas, puis aussi le nombre d'heures. En fait, tu sais, il faut que ça vienne de nous autres à l'intérieur. Tu peux pas faire ça si t'as pas un feeling d'aider ou de représenter. Il faut que tu saches comme faut ton rôle. Là. Le député, c'est plus que ça. C'est pour ton monde. C'est à Chicoutimi là, que je vais passer aux élections. C'est pas nulle part ailleurs. Là. Ça veut dire que c'est vraiment dans ma région. Alors, puis moi, je vais représenter la région là-bas, au fédéral. C'est gros, là. Une dernière question. T'es approché il y a un mois et demi. Ça t'a pris combien de temps, Richard, prendre une décision? Définitivement, ça fait une semaine que c'est réglé dans ma tête. Ah, donc tu as passé pendant un mois de temps? Un mois de temps? Ben écoute, c'est pas juste penser. J'ai fait un travail aussi. Oh oui, ça, d'accord, oui. Alors, c'est sûr, j'étais dans ça. Écoute, ça fait un bon bout de temps. Puis la Ligue, elle gérait pareil, là. Tu sais, les suspensions sortaient, puis on faisait tout ça pareil, là. Accepter que quand le travail va devenir plus intense, bien, il va falloir que je prenne une couple de décisions. C'est ça. Ça va venir en temps et lieu. Richard, meilleure des chances dans le monde politique. Entre-temps, ben, comme tu nous l'as dit tantôt, tu conserves ton poste quand même, mais tu vas déléguer certaines choses à des gens de la direction. Richard, merci beaucoup et bonne chance. Beaucoup, Michel, hein. Au revoir. Merci. Richard Martel.